à un ami trahi par sa maîtresse. Quoi? Tu gémis d'une inconstance? Ttu pleures, nouveau Céladon? Ah, le trouble de ta raison fait honte à ton expérience. Es-tu donc assez imprudent pour vouloir fixer une femme? Trop simple et trop crédule amant, quelle erreur aveugle ton âme! Tu fixeras plus aisément le souffle du zéphyr volage, les flots agités par l'orage, et l'or ondoyant des moissons, quand les rapides aquilons, glissant du sommet des montagnes, sur les richesses des vallons sifflent en rasant les campagnes. Elle t'émoit de bonne foi, mais pouvoit-elle aimer sans cesse? Un rival obtient sa tendresse, un autre la voit avant toi. Et dès demain, je le parie, un troisième plus insensé remplacera dans sa folie l'imprudent qui t'a remplacé. Il faut, dans les jeux de Cythère, à fripon, fripon et demi. Trahi pour n'être point trahi, préviens même la plus légère que ta tendresse passagère s'arrête où commence l'ennui. Donne tes sens, retiens ton âme. Tout s'use, tout finit un jour. L'amour doit finir à son tour, et surtout un amour de femme.